écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va commencer l'émission sur le volet de la rareté des éléments chimiques. Alors tout de suite, on pense à la famille des gaz rares comme l'hélium, le néon, l'argon et tous les autres, mais non, il sera plutôt question de métaux rares. Et pour nous en parler, je reçois Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour, c'est bien que tu parles des gaz rares parce que techniquement, c'est en fait les atomes parmi les plus rares, mais bon. On va pas en parler aujourd'hui, on va vraiment aller dans le fond de la Terre. Donc, la rareté, c'est quelque chose de relatif. Quand on parle d'une voiture de rare de collection, elle est rare parce qu'on a décidé d'en faire un nombre limité. On aurait pu en faire plus. Donc, elle est rare, mais elle aurait pu ne pas être rare. Même chose pour les œuvres d'art. Il y a une seule Joconde, donc évidemment, elle est rare, mais on aurait pu en faire plus. Donc, mais l'original est quand même unique. Là, oui, tout à fait. Tout le monde est familier avec les métaux précieux comme l'or et le platine, mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus en détail. Je vais vous parler du platine, mais je vais vous parler aussi des amis du platine, les éléments du groupe du platine qu'on appelle, qui sont les plus rares dans la croûte terrestre. C'est vraiment d'une rareté, on pourrait dire, décourageante au niveau de l'exploitation. Et c'est des éléments qui sont générés par des rares transformations nucléaires dans les étoiles, mais il y a des détails au niveau de leur géologie qui font qu'ils sont encore plus rares qu'ils devraient, en fait. Alors, le platine est sûrement le plus connu de tous ces éléments rares, mais à part de servir à faire des bijoux, à quoi est-ce qu'il sert, le platine? Le platine a quelques applications importantes. Je dirais que la première application industrielle d'importance, c'est pour faire les catalyseurs dans nos voitures. C'est surtout des catalyseurs qui sont utilisés pour transformer le CO en CO2, donc le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. Assurer la combustion complète, finalement, du carburant. Exact, au niveau du carbone. Et des 245 tonnes, en fait, que l'on produit par année, qu'on extrait plutôt, de platine de la Terre, il y en a juste 245. Il y en a 113 qui sont utilisés pour les convertisseurs catalytiques. Mm-hmm. Ensuite, il y en a 76 qui sont utilisés pour la bijouterie. OK. Donc, la moitié pour les catalyseurs, une très bonne partie pour les catalyseurs. Il y a aussi des catalyseurs chimiques qui sont, disons, moins connus, mais qui sont d'importance industrielle quand même. Mais ça, on en a besoin de moins, un petit peu. Si on parle de bijoux célèbres, la couronne de la mère d'Élisabeth II, donc pas Élisabeth II, mais sa mère, qui était la femme d'Henri VIII, je crois, c'était la première couronne, en fait, qui a été fabriquée complètement en platine. Mais je pense que c'est une bonne idée. Ça s'oxyde pas. Et c'est vraiment une lettre de noblesse importante. Et c'est vraiment la stabilité, dans le fond, dans le temps, qui est la principale raison pourquoi on utilise le platine pour plusieurs applications. Et une vraiment intéressante, c'est l'étalon du mètre. Avant, on définissait le mètre comme voici la longueur de cet objet, et qui était appelé l'étalon, et ça, c'était défini comme un temps un mètre. Et cet étalon-là, c'était une barre de platine avec 10% d'iridium, un élément que je vais vous parler un peu plus tard. Et j'imagine qu'il mesure exactement un mètre à une température précise, parce que les métaux, on sait que ça prend de l'expansion. Tout à fait. Mmh. Et avant, c'était la mesure de référence. Pourquoi du platine? Ça ne s'oxyde pas, c'est vraiment fixe dans le temps, ça ne ternit pas, donc il n'y a pas de changement au niveau de sa forme, mais c'est très très dur et très dense, surtout avec l'ajout d'iridium. C'est éternel, en fait, c'est ça? Presque, essentiellement éternel. Donc, il y a aussi une application au niveau du traitement du cancer. Il y a un composé qui s'appelle le cisplatine qui est utilisé comme agent chimiothérapeutique. Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est utilisé en chimiothérapie. Et en fait, c'est extrêmement toxique, mais tous les produits en fait utilisés en chimiothérapie sont tous très toxiques. Ouais. C'est juste qu'ils tuent le cancer avant de te tuer. Toi. Avant les cellules qui sont saines. Mais c'est utilisé en médecine, entre autres. Et en fait, ces métaux-là ont une propriété en fait particulière, c'est qu'ils sont très denses, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous très denses. Ils ont vraiment les records de densité. Pour vous donner un exemple de genre de densité, de poids que ça génère, si imaginez une pinte de lait de 1 litre, mais imaginez maintenant cette pinte de lait-là remplie de platine. Bien, elle pèserait 21 kilos ou 47 livres, juste pour une petite pinte de platine. C'est 21 fois plus pesant que l'eau, donc. Et l'iridium, c'est un autre élément de la même catégorie qui est encore plus rare et qui est encore plus pesant. Il est 40 fois plus rare que l'or, il est 10 fois plus rare que le platine. Et une pinte d'iridium pèserait 22 kilos, donc essentiellement 50 livres. Uh-huh. Donc, un peu plus pesant encore. Il y a plusieurs personnes qui ne pourraient pas la lever. Carrément, oui, carrément. Une personne âgée qui a des problèmes moindrement aurait de la difficulté à lever une pinte d'iridium. La production d'iridium a beaucoup augmenté entre 2009 et aujourd'hui, en passant de 2,5 tonnes par année à 10 tonnes par année. Donc seulement. On parle de production terrestre. Là. C'est mondiale. C'est pas beaucoup, là. 10 tonnes. Ouais. Seulement 10 tonnes. Et c'est quand même une augmentation importante relativement, mais disons absolument pas vraiment. Ça a été dû par de nouvelles applications de l'iridium en électronique, entre autres. Donc, l'iridium est encore utilisé aujourd'hui comme ajout aux platines pour faire des alliages qui sont très, très durs et résistants à la chaleur et à la corrosion. Donc, on parle de pièces spécialisées dans des moteurs à réaction, des moteurs de fusée, des pièces qui doivent soutenir des températures vraiment importantes. Et un autre fait intéressant de l'iridium, c'est la présence d'une mince couche riche en iridium dans les dépôts sédimentaires. Et en fait, je crois que ça s'appelle la ligne IT en anglais. Mm-hmm. C'est une couche qu'on retrouve à travers la planète au complet. C'est vraiment une ligne très fine qui est particulièrement riche en iridium. Là, on parle pas d'aller pas miner cette ligne-là sédimentaire parce qu'il n'y en a pas assez, mais c'est beaucoup plus concentré que le reste de la planète. Et en fait, on croit que c'est dû en fait à un impact d'un astéroïde qui aurait déposé cette couche légèrement plus riche en iridium à travers la planète au complet. Et les dates concordent avec l'extinction des dinosaures. Ah, ok. Donc, ça aurait été comme un peu saupoudré sur toute la surface de la Terre. Là. Exact. Au même moment. Ok. Alors, pourquoi les météorites sont... En fait, seraient-ils riche en iridium? Ben, la vraie question, c'est plus pourquoi la croûte terrestre est pauvre en iridium. Parce que le platine puis ces autres métaux-là de la famille, la raison, c'est en fait que ces éléments-là ont vraiment une affinité très forte pour le fer et le nickel et qui sont très lourds, dans le fond. Lorsque la planète était encore une boule de magma, ces éléments-là ont tout simplement coulé dans le fond vers le fond de la Terre et c'est pour ça, en fait, que le cœur de la planète serait théoriquement vraiment riche en ce genre de métaux-là. Mais un astéroïde, vu que provient pas nécessairement d'une planète, ça a une distribution un peu plus égale de ce genre d'éléments-là. Donc, les mines, d'ailleurs, qui sont riches en ces métaux-là sont tous, ou presque, des extrusions de magma qui se sont retrouvées à la surface, où il y a d'autres sites d'extraction que c'est des anciens sites de collision avec des astéroïdes. Donc, et on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Ou bien qui vient du fond de la Terre, ou bien qui vient de l'espace. Pourtant, il y a des éléments très lourds qui sont aussi beaucoup plus abondants. Il y a sûrement une autre explication, non? Ouais, c'est disons que le niveau du poids, c'est pas tout. Au niveau de la chimie, en fait, probablement que ça explique plus la rareté. C'est que ces éléments-là ont vraiment une faible affinité avec l'oxygène. Et ça, c'est une distinction importante parce que l'oxygène est vraiment présent en très forte quantité et réagit facilement avec presque tous les éléments du tableau périodique, sauf ces métaux très rares-là et les gaz rares aussi. Ouais. Et il faut réaliser aussi que la croûte terrestre, c'est essentiellement des oxydes d'aluminium et des oxydes de silice. Et tous les autres les éléments qui se retrouvent à la surface, habituellement, vont se retrouver sous forme d'oxyde. Mais vu que ces métaux-là. Oxydés par l'oxygène. Exact. Mais vu que ces métaux-là réagissent très peu avec l'oxygène, vous pouvez imaginer que l'oxygène est un peu comme une bouée de flottaison au niveau de ces atomes-là très pesants qui permettait aux atomes pesants de rester à la surface. Mais s'ils ne sont pas capables de se connecter à l'oxygène, ils allaient juste couler dans le fond. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé, malheureusement, pour ces pauvres éléments-là. C'est pour ça que la croûte terrestre est vraiment pauvre, dans le fond. C'est aussi ce qui explique qu'on retrouve souvent ces éléments-là mélangés entre eux, sous une forme presque pure, en fait. Et donc, le problème, souvent, vient de les séparer un de l'autre, que ce soit le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium. Souvent, ils vont être un peu tous mélangés parce qu'ils se retrouvent ensemble par défaut. Donc, si je comprends bien, les éléments lourds qui pouvaient se combiner avec l'oxygène sont restés en surface, et ceux qui ne pouvaient pas, ben, ont tendance à descendre, en fait, au centre de la Terre. Quels sont les autres éléments de ce club sélect des éléments rares? Ben, en plus du platine, il y a l'iridium que je viens de parler. Il y a l'osmium, qui est l'élément le plus dense, qui dépasse l'iridium d'une fraction de virgule au niveau de sa densité. Il y a le rhodium, qui est utilisé dans les catalyseurs automobiles, mais cette fois-là pour convertir les oxydes d'azote en oxygène et en azote. Donc ça, c'est pas pour le monoxyde de carbone, c'est vraiment pour les oxydes d'azote, les NOx. C'est ça, qui sont toxiques. Qui sont vraiment toxiques. Et dont est un gaz à effet de serre puissant, là, le NGO. Tout à fait. Donc, des fois, il y a même des combinaisons d'un catalyseur au platine ou au rhodium qui peuvent être utilisées. Et il y a aussi le palladium qui, autre qu'un vieux bar de la région de Québec qui n'existe plus, est un élément du tableau périodique. Donc, si vous demandiez pourquoi le bar s'appelait palladium, c'est parce que c'est... Ils ne sont pas allés chercher vraiment loin. C'est un élément du tableau périodique. Il est très utilisé en catalyse chimique. C'est pas mal ça, son utilisation. Honnêtement, il y a aussi un petit peu en bijouterie, mais pas autant que ça. Il y a le ruthénium qui est utilisé dans les super-alliages aussi en aérospatial avec l'iridium ou l'osmium, dépendamment de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, pour vous donner une idée là, de la quantité de ces éléments-là, on pense qu'au niveau, je crois que c'est l'iridium qui a une réserve mondiale de 5000 tonnes. Ah là là. Donc, okay. on peut pas vraiment, il n'y en a pas tant que ça à aller chercher. C'est vraiment très rare. Donc, en conclusion, si vous pouvez acheter des petites quantités de ces éléments-là, vous pouvez le faire en ligne, en fait. Il y a des sites Internet qui vendent des échantillons de ces atomes-là. En fait, il y a même un site Internet qui vend le tableau périodique à peu près au complet. Tout ce qui est isolable et légal d'obtenir, vous pouvez l'acheter. Donc, vous pouvez avoir un échantillon de chaque élément du tableau périodique. Il y en a que c'est pas compliqué. Il y en a que c'est plus compliqué, comme les métaux très rares. Donc, vous allez souvent avoir une mini quantité. Mais vous pouvez dire à vos convives que vous avez les éléments les plus rares sur la planète, sur votre étagère. Alors, rapidement, puisqu'on manque de temps, est-ce que, en fait, ces métaux sont ceux qu'on appelle les terres rares? Non, c'est pas du tout la même chose, en fait. Okay. Je trouve que c'est un nom très mal choisi, en fait, parce que les terres rares, c'est des éléments plus abondants que ces éléments du groupe platine-là. Mais on les appelle rares parce que, je me souviens plus exactement de la raison, en fait, mais... En fait, ils sont quand même rares, là. C'est pas du fer quand même. Mais c'est un groupe d'éléments qui n'était pas vraiment beaucoup utilisé, mais qui est soudainement devenu très utilisé au niveau de l'électronique. Et d'ailleurs, la Chine contrôle 90% de l'exportation de ces éléments-là. Mais non, ce ne sont pas les terres rares. Quand on parle d'exploitation de terres rares, ce n'est pas les éléments du groupe du platine. D'accord. Alors, merci Philippe. Et même si le silence est d'or, on va faire une pause musicale et on vous revient tout de suite après avec Marion Tanguy qui nous parlera de la détection d'inondations par satellite. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1.